prêter ton épée, j'ai perdu ma hache. Je voudrais bien, mais elle est beaucoup trop précieuse, regarde. Oh la vache, c'est une Durandil. Hey, dis donc, t'as les moyens, toi. C'est vrai, ça va pas trop mal. Mais c'est quoi, Durandil? Laisse-moi te parler de cette lame exceptionnelle. Oh non, il va encore chanter. C'est